Ok, il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette ville étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok, le rire au fond des yeux. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Un nuit magique, si loin d'un tout, sans garde-fou autour de nous. Un nuit magique, puis de hasard, on se sépare sans trop y croire. Ok, c'est une histoire de peau. On repart à zéro. Ok, on oublie aussitôt. Ok, qu'on s'est tourné le dos. Nuit magique. D'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin d'un tout, sans garde-fou autour de nous. Nuit magique, nuit de l'enfer, on se sépare sans trop y croire. Ok.